Je la referme chez nous. Eh bien, on commence avec si notre prénom ne nous convient pas, est-ce une bonne chose de changer de prénom complètement? Si un soulier ne nous convient pas, donnez le même prénom. Je m'arrête deux secondes. Quand on veut changer de prénom, la meilleure chose, c'est aussi de changer d'entourage. Mais on ne peut pas changer d'entourage. Donc, il faut obliger l'entourage à accepter notre nouveau prénom. Et ça, c'est pas facile. Parce que la clé que l'entourage se sert pour manipuler l'humain, ils ne sont pas prêts à se l'avoir ôté. Or, on va ridiculiser votre idée. On va vous suggérer de plus jamais venir ici. Pour la simple raison que la clé qu'ils ont, la perdent. Vous allez leur en donner une nouvelle, mais vous allez former le moule à votre guise. Donc, cette nouvelle clé ne pourra pas vous manipuler autant. Il faut faire attention. Lorsque normalement on change de nom ou de prénom, les gens essaient de racoler notre ancien égrégore à cette nouvelle clé et on doit absolument les en empêcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit plus, si on change de prénom, cela veut dire que quelque chose chez nous n'est plus en accord vibratoire avec la personnalité de l'ancien nom. Donc, on change nous aussi. C'est comme lorsqu'une personne finit par se sentir tellement mal dans sa mode, dans son vieux linge, qu'elle le jette puis qu'elle s'achète quelque chose de neuf. On appelle ça un nouveau look, une nouvelle expression, un nouvel onde de forme. Et là, elle se sent mieux. Et là, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, elle t'a coupé les cheveux? T'as changé de soulier? Hey, t'as un nouveau corps? Pauvre humain. Lorsqu'on change de prénom en plus, ça devient compliqué pour ceux qui ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe. Ils vont le vibrer. Alors, si on change de prénom, on doit avertir les gens qu'on a deux noms dans notre nom de baptême, celui que vous connaissez, puis l'autre. Puis là, je pense qu'on va utiliser l'autre. Ça se digère mieux. Quand un soulier nous va mal, on change de soulier. Quand le prénom nous fait mal, on change de prénom. Parce que c'est comme si, à chaque fois qu'on prononçait votre prénom, vous aviez l'impression qu'on appelle quelqu'un d'autre. Puis que c'est vous qui devez y aller. Il y en a qui savent très bien ce que je veux dire. Alors, on change. Et on essaie de prendre un prénom plutôt neuf ou un prénom qui nous vibre bien. Pas un prénom au niveau égrégore. Dites-vous pas Jean-Paul II. D'où vient cette théorie sur la force du nom? C'est quoi l'objectivité dans tout ça? Ça peut être une croyance non fondée, produit de l'imagination. J'aimerais savoir. Bon, même si j'y réponds, ça peut rester une croyance non fondée. Ce qui fait que c'est assez compliqué. Quand une personne veut savoir, elle pose la question de façon à savoir. Lorsque la personne dit que ceci peut être une croyance que vous avez dit, qu'en pensez-vous? Ce que je vais continuer à dire peut aussi être aussi farfelu. D'où vient cette théorie? Ce n'est pas une théorie. Pas pour celui qui l'applique. C'est une théorie pour celui qui traite, pas pour celui qui applique. C'est quoi l'objectivité dans tout ça? Si je vous dis que vous avez un estomac qui digère, c'est quoi l'objectivité là-dedans? Il n'y en a pas. Celui qui aura besoin de connaître l'estomac, le chirurgien, peut-être, ou le médecin, ou la personne malade, ou celle qui veut bien manger, elle verra peut-être de l'objectivité dans le fait de bien manger, et elle mangera bien parce qu'elle connaît son estomac, qu'elle n'a finalement jamais vu. Et on va dire, oui, mais d'autres l'ont vu l'estomac, donc on peut croire qu'il est là. Parfait. Je sais que le nom est une puissance, et ce n'est pas pour rien que toutes les nations et que toutes les théologies planétaires s'occupent tant du nom. Ça marche. Et où elle est, disons? C'est peut-être une croyance non fondée, produit de l'imagination. Premièrement, une croyance non fondée, ça existe. Une croyance fondée, ça n'existe pas. Toutes les croyances sont non fondées. Croire, c'est s'illusionner d'abord. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, ne croyez pas ce que je dis. Essayez-le. Maintenant, si ça coûte trop cher à un humain de l'essayer, qu'il prétende que c'est une croyance non fondée, ça sera plus simple pour lui. Au moins, il n'aura pas l'illusion d'avoir manqué quelque chose. Non fondé produit de l'imagination. Écoutez bien ceci. La puissance du mot. Tabarnak, celui qui comprend pas ce que c'est que la puissance, ben non, Tibor! Ça fait vibrer des cordes, n'est-ce pas, dans vos égos et dans votre âme? Pas à cause de l'intonation, j'ai déjà parlé comme ça aussi. Sauf que je mettais pas certains mots. Si ces mots-là ne sont... Les mots que je viens de mettre, je parle avec le même ton, mais ça n'a pas le même résultat. Les mots que j'ai mis sont des mots qui, attachés à l'égrégore relié à vos noms, sont des mots interdits, sauf lorsque vous devez nourrir cet égrégore. Et chaque fois qu'un être humain emploie les mots sacrés, sans nourrir l'égrégore, il se sert de l'égrégore, et c'est pourquoi on interdit le blasphème dans toutes les religions. Je mets le calice dans le tabarnak. Un prêtre peut le dire. Il nourrit l'égrégore. Quelqu'un qui dit tabarnak, il tombe ses nerfs. Il nourrit pas l'égrégore. Il s'en sert pour prendre de l'énergie pour traumatiser l'autre. Alors le prêtre l'interdit parce que ça détruit une partie de ce ciel. Si en plus on prend votre nom, rencontrez ceux qui sont policiers. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais tout petit, n'est-ce pas? Et j'étais petit, ça fait tout ce que vous voudrez. Et puis à un moment donné, il y a une gang de grands zouaves qui viennent me ramasser et qui m'écrasent une clôture. Fait qu'ils ne m'aimaient pas la face. Mais je peux pas faire grand chose. Mais il s'était offert à m'arranger la face. Et puis, il y en a un des deux juste avant qu'il vienne me pincer, je l'avais entendu parler, puis il y en a un qui s'appelait Paul. Celui qui m'écrase sur la clôture s'appelle Paul. Alors je regarde dans les yeux, je lui dis Paul, je t'ai rien fait. Mais Paul a pas pu rien me faire non plus. Il a même expliqué à sa gang que j'étais trop petit, puis tout ça, là, puis que le laissez-le en paix, là, puis ils sont partis. Et pas avoir eu le temps d'entendre son nom, je me serais fait arranger la face. J'aurais un autre look aujourd'hui peut-être. J'ai regardé le gars simplement, et puis j'ai dit, Paul, je t'ai rien fait émotivement. D'ailleurs, je tremblais, c'était facile de faire ça émotivement. Puis Paul a senti qu'il était fait. Un enfant étonnant dans une classe. Criez, dites ce que vous voudrez. Demandez-lui son nom. Après ça, répétez-lui. Allez voir qui va rester. Tout le temps. Allez en cours supérieur et vous savez que le juge s'appelle peut-être William Descory. Votre honneur. D'un coup, tu te lèves. William, est-ce que... Allez voir ce que se passe. Là, vous jouez avec une clé qui ne fait pas de votre toucher. Le juge doit rester intouchable. Votre seigneurie, votre honneur. Pas plus loin. J'appelle mon amant des amis souvent. Bonjour, j'appelle. Est-ce que je pourrais parler à Jean? Est-ce que je pourrais parler à Michel? Les secrétaires, tous deux, trois fois, parce que normalement, on demande maître. Mais moi, je ne tolère aucun maître. Avocat ou notaire. C'est pas une théorie fondée sur un truc. Vous avez juste à apprendre à manipuler la langue de façon à prononcer un nom et vous verrez que vous aurez la clé. Au niveau des prières, c'est la même maudite affaire. L'individu qui se sert mal d'une clé n'aura pas le résultat qu'il faut. Et lorsque l'on possède la mécanique pour aller chercher de l'énergie, la croyance ou la foi n'est même pas nécessaire. Pas nécessaire de croire qu'en prenant une pelle puis en pelletant la neige va s'en aller pour que ça marche. Croyez-y tant que vous le faites pas. Achetez des pelles, attendez qu'il neige, croyez-y. La journée que vous voudrez vous en servir, vous allez devoir mettre un peu d'énergie puis le faire. C'est évident que lorsque l'on se sert d'un égrégore divin, on fait un pacte avec Dieu. Si on reste assujetti à lui, Sinon, on reste libre de s'en servir. Il y a énormément d'individus qui ont décidé que parce qu'ils pouvaient guérir ou parce qu'ils voulaient faire quelque chose, qu'ils se remettaient entre les mains de Dieu. Eux autres font un pacte avec Dieu. Ils risquent d'être manipulés autant que celui qui fait un pacte avec le diable. Sauf que c'est mauditement plus agréable d'être manipulé par ce Dieu-là que par les forces sataniques qui sont aussi créées par l'homme. L'individu qui finit par pouvoir prononcer un nom et prononcer une verbalisation ordonnatrice, fait une prière, il a un effet, une puissance, un résultat. Plus vous aurez d'ego lorsque vous allez vous servir de ces clés-là, plus il y a de fortes risques que vous demandiez des choses qui finalement vont vous tomber sur le nez. Sauf si c'est la santé, sauf si c'est des choses comme ça. Chose certaine, c'est que dans votre bureau, on vous appelle par votre nom. Appelez votre patron monsieur, et quand votre patron vous demande quelque chose que vous ne devriez pas faire, s'il prend votre prénom, vous allez avoir de la difficulté à vous en sortir. Observez simplement comment ça peut fonctionner. Et vous verrez que souvent, vous allez avoir de la difficulté à vous en sortir si dans certaines conditions, on prend votre prénom. Moi, je quête. Je joue de la musique et du violon, et j'ai mon petit violon en terre avec mes petits trous que j'ai patché, puis je suis du violon. Là, tu passes, puis je veux que tu mettes la piscine dedans, que je ne ramène pas, puis je dans le métro. D'un coup, je te vois aller, puis j'ai ton prénom. Bonjour, Pierre. Ça va être de misère en sacré bleu pas mettre d'argent dedans, mon truc. C'est un fait. C'est ça, la puissance du nom. Le gars qui parle n'a pas encore tout ce qu'il faut, parce qu'il pourrait vous déshabiller. Quelqu'un qui emploie votre nom avec l'énergie exacte de votre onde de forme, il vous a de A à Z. Plus fort que l'hypnose, vous ne pourrez pas rien faire. Sauf que ces humains-là sur la planète, il y en a presque pas. Ils ont suffisamment d'intelligence pour ne pas user d'un prénom inutilement. Mais rencontrez-les pas pour leur faire quelque chose d'inécologique. Parce que si vous les rencontrez avec un couteau, vous risquez fortement de vous le planter vous-même. L'être humain a la faculté de se désassujettir de la manipulation d'autrui en commandant un nom qui va lui aller un peu mieux. Apprenez aux autres à prononcer votre nom comme vous voulez qu'ils le prononcent et apprenez-vous à le supporter, votre nom. Moi, je peux supporter mon prénom. Si je pars devant le violoneux qui dit « Daniel, bonjour, comment ça va? » Mon nom, je le supporte tellement bien, il va dire « Oui, ça va bien. Et toi? Bonne journée, puis je m'en vais. » Ça leur a rien fait. Si je veux lui en donner, je vais lui en donner. Mais il pourra pas me pogner à lui en donner. Mais ceux qui ne supportent pas ou qui supportent mal leur prénom, vont être faits. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Passez dans votre vie, observez votre travail dans votre famille, de quelle façon on vous manipule. Il y a des enfants qui vont vous manipuler par les noms papa ou maman. Puis si ça marche pas, à un moment donné, peut-être que si une fois ou deux, vous leur avez permis d'utiliser votre prénom, mais si ça marche pas trois ou quatre fois, la cinquième fois, il prend votre prénom, vous allez quasiment être obligé de lui donner. Sinon, vous allez souffrir psychologiquement et émotivement de résister. Parce que ce prénom vous manipule. Alors, vous pourrez pas faire autrement que de souffrir si vous résistez. Hey, ça va bien à soir? Il veut Saint-Pierre. Tu ramènes le champ? Oh! Changer de nom dans une autre religion, cela n'entraînerait-il pas une guerre des dieux? Je connais une amie malade du dos depuis qu'elle a adhéré à une autre religion et changé de nom. Se pourrait-il qu'il y ait un rapport de force entre les égrégores? Normalement, lorsque le baptême de l'autre religion est accompli selon un rythme parfait de cet égrégore, normalement, la personne qui change de religion perd complètement l'assujettissement à l'ancien égrégore pour s'assujettir au nouvel égrégore. Lorsque l'on pénètre dans une nouvelle religion, le nouvel égrégore ou le nouveau Dieu qui vous reçoit tient à vous conserver. Étant donné qu'il est bâti à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, Les premières personnes, les nouveaux venus dans une religion, dormiront mieux, seront flattés, maudit que ça marche. Mais demande à celui qui a depuis 3 ans, ça marche pas aussi bien que toi. Ça a marché comme ça quand t'es rentré. Pourquoi? Celui qui rentre de nouvelle religion, l'égrégore, le flatte, puis l'égrégore, qui reste bien là. Après ça, ben là, qui est dedans, celui-là, là, s'occupe de l'autre. Bon, c'est comme ça dans toutes les religions. Est-ce qu'à un moment donné, si le baptême a mal été accompli ou si la personne n'a pas été suffisamment attentive lors de son baptême, il est possible effectivement qu'elle n'ait pas rejeté son ancien nom. Nécessairement, elle devient assujettie à un double nom. Un peu comme les Jean-Pierre, les Marie-Madeleine et ces choses-là. Elle prononce peut-être seulement un nom, et possiblement qu'au fin fond d'elle, l'autre nom est toujours là. Elle n'a pas su l'effacer. Alors, effectivement, ça peut engendrer une guerre de Dieu à l'intérieur d'un disciple qui est assujetti à deux religions. Il y a des personnes qui appellent cela à être pragmatique, à être cartésien, à être objectif. Et lorsque la personne pose la question, est-ce que cette guerre des dieux peut engendrer le mal de dos? Certains vont rire. Pendant longtemps, les gens riaient lorsqu'on disait « la nervosité peut engendrer l'ulcère à l'estomac ». Il n'y a rien de plus comique que ça. Sauf que maintenant, on sait que c'est vrai. Plusieurs riaient de dire que le stress pouvait envoyer une personne à la dépression, l'empêcher de dormir, créer de l'hypertension, de l'hypotension, engendrer le diabète et faire un paquet d'autres choses. De plus en plus, on sait que les maladies sont presque tous psychogéniques, donc partent de la psychologie. Et si les maladies sont psychosomatiques, c'est le même phénomène, c'est parce que l'âme, la psychologie, a une grande interaction sur ce qui va se passer dans le corps. Si au niveau de l'âme, il y a un conflit de personnalité divine entre le croyant et ce qu'il croit, cela peut aussi s'exprimer par différentes formes de pathologies. Ne pensez pas que les maladies que vous avez sont là à cause du mauvais sort ou à cause de ceci ou de cela. Il y en a qui attrapent tout, puis il y en a qui attrapent rien. Il y en a qui ont des génétiques plus faibles, d'autres des génétiques plus fortes. Mais ce qui se passe là-dedans, ça donne un maudit coup de pouce en génétique. La personne, elle n'a pas oublié son nom complètement, son ancien nom. Ou il y a des individus qui continuent de l'appeler avec son ancien nom. C'est suffisant pour qu'elle reste mal prise. Elle peut l'exprimer dans un problème dorsal, elle pourrait l'exprimer par un problème émotif, psychologique, par de l'âge, par n'importe quoi. Habituellement, c'est exprimé par un doute majeur dans les deux religions. Mais ça dépend des individus. Faut-il demeurer avec le nom que l'on s'est choisi ou le nom de naissance? Demandez plutôt. Le nom de naissance, le nom qu'on vous a choisi. Si vous étiez né lorsqu'on l'a décidé, il n'y a pas de probabilité que ce nom allait exactement avec ce que vous étiez. À l'adolescence, l'individu change complètement. Et de temps en temps, le nom qui reste peut continuer à lui aller. Faut faire attention, il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que leurs noms leur vont bien, parce qu'ils y sont habitués. Faut-il demander avec le nom que l'on s'est choisi ou le nom de naissance? Lorsque l'on veut demander au niveau de... Et demander, c'est ordonner. C'est avec le nom qui est la clé. Présentement, le nom de naissance serait le nom le plus adapté à demander pour un égrégore qui, dans lequel on est placé depuis le début, depuis notre naissance. Et je répète que l'ego de l'homme peut quêter et demander. L'homme qui transite vers ce que j'appelle l'homme nouveau, je parle d'homme, de femme et d'enfant, homme nouveau, femme nouvelle, enfant nouveau, ne doit pas demander, il doit accomplir. Et lorsqu'on accomplit, cela veut dire que ce que l'on fait, on est sûr que cela doit être fait. À un point tel qu'on peut dire, ça ne doit pas être fait, je ne pourrai pas le faire. L'homme qui devient conséquentiel, donc écologique, applique et accomplit. Pour accomplir, son esprit, par l'intermédiaire de sa voix, doit donner un ordre. Et l'énergie vitale placée dans le monde de la mort, dans le ciel, est quelque chose qui doit être ordonné. Cela doit obéir. Donc, on ne demande pas, on ordonne. C'est comme ça que l'on fait. Tant que l'être humain veut être un être rampant devant ses créatures, il attend. Ça fait près de un peu plus de 3 milliards d'années que l'humain est en phase d'évolution planétaire. Et ça fait près de 35 millions d'années que l'humain attend consciemment. Tous ceux qui ont attendu la fin de l'inutile ont découvert, lorsque l'attente était finie, que c'était le temps maintenant qu'ils se prennent en main et qu'ils ordonnent. Si la théologie permet même à l'homme de faire les premiers pas, faudra que l'homme les fasse, les premiers pas, pas attendre. L'être humain qui attend aura sa réponse. L'être humain qui demande aura sa réponse avant. Puis l'être humain qui prend aura sa réponse tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ont des oreilles? Demande et fais comme si tu l'avais déjà. Une drôle de demande. Tu me donnes 5 piastres, merci. Il faut même pas de me donner, hein? J'ai déjà remercié. C'est un ordre bien comme comme quand vous dites à quelqu'un, peux-tu me mettre de l'eau, s'il vous plaît? S'il vous plaît veut dire si ça te tente. Mais il n'est pas question que ça y tente ou non. J'ai dit, s'il vous plaît. Ça, c'est un ordre. Bon, vous ne dites jamais s'il vous plaît. Pour lui dire, fais ça si ça te plaît. On dit toujours s'il vous plaît. En voulant dire, t'as pas le choix. Toujours. Oh, s'il vous plaît. Je t'étage. Non, oh et non, non, s'il vous plaît. Ben, s'il vous plaît, non, ça me plaît pas. Non, c'est non. Ben, ça aussi, c'est raffiné. Demande, fais comme si t'avais. Demande, puis prends-le. Je le demande pas, je... J'ai un garçon qui a été baptisé Jean-Marc. Moi, je l'appelle Marc, mais mon mari l'appelle quand même Jean-Marc et prononce toujours son nom autoritairement. Que peut-il arriver à l'enfant le fait qu'il a deux noms, Marc et Jean-Marc? Il a 23 mois. Bon, ben, faudrait simplement, l'enfant, pour l'instant, c'est pas important, parce que tant qu'il pourra pas parler, il pourra pas dire son mot, hein? Bon. Faudrait simplement s'entendre entre mari et femme pour savoir quel est le nom de l'enfant et de quelle façon on fonctionne. Chose certaine, si l'enfant a deux noms, pendant longtemps, il comprendra pas trop ce qui lui arrive, puis on risque de développer non seulement la double personnalité du Jean-Marc, puis en plus, la troisième personnalité, celle du Marc. C'est le cas de le dire, ça va le marquer. Donc, la personne de la femme devrait s'entendre avec le mari pour soit l'appeler Jean-Marc, soit l'appeler Marc. Mais on ne doit pas prononcer deux noms différents pour désigner un être humain, surtout à cet âge-là. Entendez-vous? Qu'arrive-t-il à ce moment-là lorsque l'on a le nom que l'on a reçu et celui qu'on se donne? Celui que l'on se donne est notre nom. Étant donné que nous avons une constitution suffisamment identifiée dans l'égrégore ou dans l'ego du nom de naissance, ça ne dérange absolument pas qu'un individu m'appelle Daniel et que moi, je me connaisse d'un autre nom, parce que la partie appelée un autre nom est la partie mentale ou supramentale de ma personnalité. Donc, lorsque je veux agir avec ce nom, et ce nom ne va me servir que lorsque je pénètre le monde de la mort pour faire les choses, alors ils me connaissent sous un nom qui les éloigne suffisamment, de façon à me laisser libre. Lorsque je parle à des humains, je parle avec un autre nom, le nom Daniel, qui est un nom qu'on peut attaquer ou manipuler comme on veut, et qui ne peut pas fondamentalement toucher ce que je suis, parce que ce que je suis n'est pas Daniel. Daniel est ce que j'étais. Alors, si on va attaquer ce que j'étais, quoi, vous m'en fous. Donc, la personne qui a deux noms, un nom pour elle ou un nom mental, ou un nouveau nom, même s'il est psycho-émotif, un nom pour elle, ou avec, disons, un cercle fermé, eh bien, il n'y a aucun problème qu'elle ait deux noms, parce que vu qu'elle a une identification dans son premier nom, le deuxième nom va nécessairement identifier une nouvelle personne chez elle, c'est-à-dire une nouvelle forme de vibration qui peut être mentale, qui peut être liée à l'ajusteur de pensée, ou qui peut être supramentale ou mentale, dépendant de l'individu. Alors, il n'y a vraiment aucun problème lorsque l'identification est complétée. Sauf que Jean-Marc, Son âme est encore en constitution. Jusqu'à l'adolescence, il recevra des personnalités réincarnationnelles et le fait de l'appeler Jean-Marc attire des mémoires, disons, de type Jean-Marc dans cet enfant, mélangé évidemment avec les probabilités ou avec les possibilités qui existent au-dessus de l'enfant. Et ça, c'est déterminé par la mobilisation des paliers mobiles du monde de la mort qui sont attirés par les astres, parce que la théorie de certains astres attire et bouge ces paliers, hein, parce que les arts, ça influence pas l'homme, mais ça influence les paliers du monde de la mort qui servent à recréer un âme, donc assujettit l'enfant à la position de ces paliers mobiles qu'on peut déterminer un peu par la position des astres. Bon, lorsque l'enfant est en croissance, jusqu'à l'identification, donc c'est un enfant suffisamment nouveau, il va s'identifier vers l'âge de 7-8 ans, et là, cette identification, la réincarnation pluralitaire, fusionnelle qui s'opère de la fécondation aller jusqu'à l'identification, va cesser. Entre-temps, si on appelle Jean-Marc et si on appelle Marc, puisque Jean-Marc, c'est tout à fait différent de Marc, alors nécessairement, il y aura un mélange grégorien. Cela peut engendrer des problématiques de dédoublement de personnalité plus tard, ou des choses qui font que l'enfant ne saura jamais trop qui il est. Et déjà que l'humain ne sait pas trop qui il est, parce qu'il est assujetti à un nom, qu'il est assujetti à des milliers, même sinon des millions de personnes qui ont porté ce foutu nom-là avant, ben si en plus on y en met deux, Jean-Marc plus un troisième Marc, ça a des mollets de crier Paul qui va encore répondre oui. Comment savoir si le nom que l'on choisit pour notre n'est pas une mémoire du passé, même si ce nom nous paraît ne pas exister? Exemple, Raël. Bon, Raël est présentement un nom qu'on n'a pas employé parce qu'il a été commercialisé. Comment savoir si le nom que l'on choisit pour notre n'est pas une mémoire du passé? Ça n'a aucune importance, on doit choisir un nom qui nous va comme un gant. Et lorsque le gant ne fait plus, on change de gant. Vous savez, il y a plusieurs personnes à un moment donné qui ont des souliers qui ne leur font plus. Ils ne changent pas de souliers, ils ne changent pas de pointure. Alors, à un moment donné, les orteils empilent l'une par-dessus l'autre. Bon. Puis là, on dit, ben oui, mais ils font encore. Je suis sûr qu'ils font encore. C'est le pied qui s'est déformé. L'humain ne doit pas se déformer pour son nom. Ce que beaucoup vont faire. Alors, comment savoir si le nom que l'on choisit, le nom est bien pour nous? Faut simplement qu'il nous plaise. Si Raël plaît à la personne, alors qu'elle s'appelle Raël. Sauf qu'elle verra que dans un contexte socio-spirituel que nous connaissons, si elle se fait appeler à elle, on lui demandera où sont les secours. Voilà. Sachez une chose, le nom Raël peut aller à une personne. Il y a une autre forme phonique qui peut donner la même vibration, mais ça ne se prononcera pas Raël. Donc, la personne devrait plutôt attendre ou chercher d'avoir une vibration qui lui va d'un nom qui est pas simple et pas trop commercial. L'individu, le problème qu'il a, c'est qu'il est tellement pas son seul maître qu'il aura de la difficulté à se trouver un autre nom. Et il aura tendance à poser des questions. Comment faire pour se trouver un autre nom? Comment savoir si le nom qu'on a trouvé nous va? Comment ceci, comment cela? Une réponse. Vous le saurez. Mais ne demandez pas à quelqu'un si ça vous va. Parce que vous tarissez déjà votre clé. Elles seront collectives. Vous devez le savoir, vous devez décider, et lorsque vous aurez décidé, cela devra être décidé. Change de nom, tu dis aux gens. Première question, qu'est-ce qui te prend? Expliquez-leur pas toute la théorie. Dis-leur simplement que ton nom, je l'aime plus. Rien à faire. Toute fois qu'on le prononce, tu penses même pas qu'on te parle à toi. Fait que tu changes de nom, celui-là, il te plaît. Ça va passer. Puis, pendant longtemps, les individus vont mélanger les deux noms. Et vous devez les corriger. Être patient. Les corriger. Ça passe. Mais vous devez être sûr. Remarquez une chose. Si la théorie est farfelue, vous aurez de la facilité à changer de nom. Tout le monde. Et si vous n'arrivez pas à changer de nom facilement, c'est que la théorie est vraie. Le nom est une clé. Elle vous colle au derrière, elle ne pourra pas vous quitter comme ça. Qu'en est-il pour ceux qui ne sont pas baptisés? À quel égrégore sont-ils reliés? S'ils ont reçu un nom qui a été accrédité par les autorités légales, Ils sont baptisés à l'égrégore, sont reliés à l'égrégore social, la nation. S'ils ont un nom qui a déjà existé, ils sont nécessairement reliés, mais beaucoup plus faiblement, à l'égrégore à qui appartient ce nom. Il y a des individus qui sont beaucoup plus libres que d'autres. Mais la question du baptême faisait tout à l'heure référence à la cérémoniale. Mais moi, j'ai bien spécifié le baptême, j'entendais par là nommer. À l'instant où on nomme quelqu'un, où on nomme une chose, on l'assujettit. On la possède un peu. Vous rencontrez un animal que vous connaissez pas. Un oiseau sur une branche. Un merlin. Un merle, une hirondelle. Ah, c'est une hirondelle? Ah! Quand tu en vois une, au gars une hirondelle, tu la possèdes un peu plus. Parce que tu as un nom à mettre dessus. Le nom, ben, qu'en est-il de ceux qui sont baptisés, qui ne sont pas baptisés? Faut simplement voir de quelle façon le nom leur a été donné, à quel égrégore ce nom-là peut se rapporter. Il y a même des livres qui existent. La signification du nom. Comment choisir un nom pour son enfant? Ces livres-là, achetez-les une fois que vous avez trouvé un nom. Je sais pas si c'est pas un nom, ça. Un petit peu, là. Brillant, intelligent. Ah, ben, c'est comme ça. Non. Ça va peut-être altérer un peu l'enfant. Mais pas suffisamment pour le rendre ce qu'il écrit dans le livre. C'est important. Alors, la personne qui n'a pas été baptisée, elle est reliée à un certain égrégore. Ça peut être un égrégore familial, ça peut être un égrégore religieux, ça peut être un égrégore de société ésotérique, ça peut être un égrégore national. Elle a à vérifier. Chose certaine, elle est quand même plus libre. Mais les autres ont une clé motive pour la manipuler. À un moment donné, elle devra quand même se construire un nom dans un milieu où elle voudra fonctionner sur un autre niveau. Je répète que ce serait mauditement brillant que dans la famille, il y ait un nom, et qu'à l'extérieur, il y ait un autre nom. Ça ne peut peut-être pas se faire présentement dans les cadres actuels de la majorité des familles. S'il y aurait une famille qui voudrait essayer, et qui arriverait à faire cela suffisamment sérieusement, ben, verrait que seulement après un mois, tout le cadre de la famille aurait changé. La famille commencerait à être plus naturelle, plus elle. Elle aurait moins de tendance à s'assujettir à que vont dire les autres. Elles se sentiraient bien entre elles. Cela crée une espèce de petit clan. C'est normal parce qu'avec un nom typique à la famille, on engendre l'égrégore familial individuel dans lequel les psychologies vont se sentir plus à l'aise que dans le gros égrégore collectif extérieur. Mais l'individu doit quand même savoir qu'un jour il devra avoir un nom à lui qui devra le désassujetter les égrégores, quel que soit l'égrégore, de façon à ce qu'il finisse par devenir son seul maître. Une famille aimerait tenter l'expérience. Elle verrait que de la théorie à la pratique, il faut pas grand-chose. Juste le faire sérieusement, sans se prendre au sérieux. Selon les kabbalistes, le tétragramme sacré Yod-Hi-Wah-Hi-Yahvé a été sottement traduit par Jéhovah ou Yahvé, ce qui ne veut absolument rien dire. Alors, comment peut-on parler de force jéhovique ou yahvique? C'est simple. Si cela, effectivement, Yahvé a été traduit d'une façon Yahvé ou Jéhovah, preuve que, comme tout à l'heure j'expliquais, il y a beaucoup d'humains qui cachent les clés un peu trop loin. Comment pour nous parler de force jéhovique ou yahvique? C'est extrêmement simple. Parce que cette traduction a été faite, le mot Jéhovah existait bien avant le Yahvé, le mot Yahvé existait bien avant aussi, et c'est pourquoi par la suite on a tenté de prendre ces mots et de les accoler aux anciens archétypes. Yahvé, Jéhovah sont des égrégores parce qu'il y a tellement d'humains qui, certainement ou non, les prient, ils deviennent des dieux puissants sur le monde de la planète. Yahvé n'a foutrement rien à voir avec ni Jéhovah ni Yahvé. C'est un peu comme lorsque je parle du Nazaréen. Je ne parle pas du Christ émotif, planté sur un bout de bois, les bras écartelés, où tout le monde tripe à le regarder broyer, souffrir. Quand je parle du Nazaréen, je parle de tout ce qui avait d'importance dans le personnage, et non pas de ce qui émotivement a été ramassé par la suite dans des cultes particuliers qui ont certains effets, mais qui ne s'adressent absolument pas à l'énergie supramentale ou l'énergie christique, qui est venu à un moment donné christifier Jésus ou Jéhovah pour en faire ce qui a été l'un des plus grands avatars. Lorsque je parle du Nazaréen, j'emploie le mot qui était le mot de ses disciples, c'est-à-dire que le Nazaréen se faisait appeler ainsi par ceux qui avaient respect pour ce qu'il était. Sachant lui-même qu'il ne venait pas de Nazareth, étant donné que la ville de Nazareth n'existait pas à l'époque, Mais par contre, il faisait partie de la secte nazaréenne, de par sa mère Marie et de par son père Joseph, il se faisait appeler le Nazaréen, l'une des sectes des gentils. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il demande à tous, il parle du peuple élu et des gentils. Ça va de soi, les autres, les siens. Alors, lorsque nous parlons de Yahvé, nous ne faisons référence à un autre égrégore, beaucoup plus vieux, que beaucoup plus puissant dans sa vieillesse que Jéhovah Yahvé, même si au niveau de l'oreille de l'homme, Jéhovah Yahvé est apparu avant le mot Yahvé. Ce mot kabbalistique, ce mot occulte, a une autre puissance. Cette puissance-là, elle peut être employée par certains prêtres, elle peut être employée par certaines personnes qui veulent agir sur des structures archétypales, sur le fondement même des archétypes cosmiques, qui va supporter l'idée même de Jéhovah et de Yahvé et de des autres divinités. Alors, c'est une tradition qui a été instaurée par l'intelligence de façon à ce que l'homme ne puisse pas connaître le mot juste pour travailler avec le monde de la mort. On lui a donné des colorations de ce mot, ce qui lui a permis d'engendrer d'autres égrégores auxquels il s'assujettit maintenant, les égrégores que nous connaissons, soit Jéhovah, soit Yahvé, et soit les autres que nous avons sur la planète. La Kabbale provient de très, très loin, et la Kabbale, dans son essence, retient encore des choses qui sont des clés mal utilisées par la majorité des kabbalistes. On connaît la guématrie ou la guématria, qui va être l'étude vibratoire des noms, merveilleusement applicable aux noms hébreux. Si notre prénom ne nous convient pas, est-ce une bonne chose de changer de prénom complètement, de donner le même prénom que le père à son fils? Le fils doit avoir son nom et le père doit avoir son nom. Assujettir le fils à s'appeler Junior, Daniel Junior, c'est obliger le fils à supporter le karma du père et à poursuivre la vie du père lorsque le père sera parti. Le fils, la fille, doit avoir un nom qui lui va dans sa vibration et les parents aussi. Si notre prénom ne nous convient pas, est-ce une bonne chose de changer de prénom complètement? La question pourrait se dire, est-ce une bonne chose de le changer légalement? Ce n'est pas important de le changer légalement. Comprenez que vous devez avoir un prénom qui va servir aux poursuites, qui va servir à signer les contrats, qui va servir à plusieurs choses, et lorsqu'à un moment donné, ce prénom-là sera attaqué, il vous laissera en paix les journées où vous allez vous sentir vibrer sous l'autre prénom. Vous aurez toujours à répéter ça. Si je m'appelle Daniel publiquement et que je m'appelle Marc chez moi, à un moment donné, je reçois une lettre, Daniel Kem, vous n'avez pas payé ceci, cela, ta. Je dis, parfait, faudrait que je règle ça. Et là, ma fille vient me voir, elle dit, Marc vient jouer avec moi, je ne souffre plus de ce qui atteint Daniel. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est aussi tangible que de la matière. Alors, Marc s'en va jouer, et le lendemain matin, Daniel rentre au bureau, prend ses feuilles, règle de ses cossins. Il rentre à la maison, tout le monde dit bonjour à Marc, le bureau est en arrière. Il n'a pas le choix. Et il faut faire cela sérieusement. Pas que personne a dit, ouais, c'est bon, elle m'appelle Marc, mais c'est Daniel, mon nom. Si tu dis ça, le problème va te rester dessus, tu n'auras pas le choix. On dit à quelqu'un, tu prends des vacances, là, ben, c'est donc d'oublier ton travail. Tu pourrais dire, oui, mais c'est psychologiquement, j'ai plus mon travail. Oui, mais fais-les. Ça prend des maudites bonnes vacances. Puis tout le long, tu te dis, ouais, tu sais, j'étais en vacances, mais en réalité, j'ai encore un problème là-bas. Tu voulais pas à peine que tu prennes des vacances. C'est un psychologique. Oui. La psychologie est aussi puissante que la matière. La preuve, elle est même capable de le rendre malade. C'est elle qui se traduit dans votre écriture. On peut, par la graphologie, savoir que c'est où c'est que vous en êtes. Par les lignes de la main, par votre fessier, par votre marche, par votre attitude, votre manière de vous habiller. Bon, la façon de dire que la psychologie, c'est juste de l'illusion, c'est matériellement puissant. La personne a changé de nom complètement, non. Votre nom connu sous lequel tout le monde pile ou embrasse, gardez-le. À un moment donné, dans un cercle fermé, la famille peut-être, ou chose d'autre, ça peut être bon d'avoir un autre nom. Et peut-être chez soi aussi quand on part en vacances. Un psychologue non averti va dire, ouais, mais si tu pars en vacances, tu prends un autre nom, c'est comme si tu actais. C'est ça, mon gars. Va et acte. Puis quand tu reviendras dans ta vraie vie, pars de là-bas, puis viens acter ici. Tant qu'à acter. Fait que t'acteras le gars qui souffre, t'acteras le gars qui est heureux. Chose certaine, quand tu vas acter le gars qui va être heureux, puis que tu le feras sérieusement, tu te rendras compte que t'actes pas. Tu es. Alors, tu peux rentrer à ton bureau et être malheureux, ou te dire que tu actes le malheur, puis rentrer chez vous puis être heureux, ou te dire que tu actes le bonheur. Chose certaine, demande à n'importe quel acteur, c'est mauditement plus fun de faire un rôle heureux que faire un rôle malheureux. Vous avez dit dans la première partie qu'Hitler avait fait une guerre sainte. En quoi l'Holocauste des Juifs fut-il nécessaire à l'évolution de la conscience supramentale au Québec? Adolf Hitler avait créé trois sociétés secrètes, la Gestapo, la SS, la Wehrmacht. Adolf Hitler avait comme idée de faire en sorte que la race aryenne revienne sur la planète Terre, les hommes grands, blancs, blonds, aux yeux bleus. Cette race aryenne est la race indo-européenne. Il a fait quelques erreurs de lignée. La sienne, elle est plutôt, elle provient de Zarathustra et elle n'est pas aryenne. Donc, ça servait à rien. Adolf Hitler avait comme idée matrice de conquérir l'Hyperborée. L'Hyperborée, le Canada, le Québec. Et de mettre son siège social, le siège de nouvelle race, là. L'Hyperborée s'est encore trompé, fait partie de la deuxième terre de surface. Le Québec ésotérique, le bouclier canadien, la première terre de surface, c'est là que l'humanité a commencé à germer. L'Hyperborée contenait à l'époque le Groenland, l'Islande, la Norvège et une partie du Labrador et de Terre-Neuve. Donc, il a encore une fois visé la glace. Il se trouve... il y a des raisons relativement ésotériques pour l'Holocauste juif. Je vais le limiter un petit peu parce que, ça peut être un peu, disons, traumatisant pour certaines personnes à un moment donné de l'entendre. Oui, ça commence. Il se trouve que l'égrégore juif a toujours été l'un des plus puissants dans le monde de la mort. Tellement puissant que lorsque l'énergie supramentale descend sur le plan planétaire, j'en dirai pas drôle. Il ne peut faire autrement que de pénétrer l'égrégore juif et descendre dans un juif. Alors, lorsque l'énergie christique pour la première fois est descendue, elle est parvenue sur la terre par le biais d'un juif, le Nazaréen. L'énergie supramentale doit revenir maintenant, mais dans d'autres égrégores que l'égrégore juif. Celui-ci est tellement puissant que nécessairement l'intelligence doit d'orchestrer la dissolution quelque peu sensible de l'égrégore religieux juif. Alors, demander aux juifs de cesser de croire et de cesser de prier pour que l'égrégore s'affaiblisse n'aurait pas fonctionné. Donc, un Reich, comme le Troisième Reich, avec une idée inconsciente et folle chez la race aryenne, celle de purifier la race planétaire et d'éliminer la race juive, parce que finalement, c'est la seule qui fait travailler, qui exploite, etc. Adolf Hitler avait une idée absolument saugrenue du peuple juif, mais c'était suffisamment parfait dans sa tête pour qu'il en vienne à l'idée que le premier peuple à exterminer était la race juive. Exterminant les juifs massivement, il éliminait de l'expérience de la planète des juifs pour prier. Lorsque l'Holocauste a été suffisamment avancé, que l'égrégore juif a commencé à s'affaiblir, la conscience supramentale est descendue premièrement dans le coin de Pondichéry, où Aurobindo était là pour la recueillir convenablement avec Mère. Deuxièmement, c'est là la finalité des choses au niveau de Krishnamurti, les seuls Aryens qui pouvaient recevoir. Et par la suite, cela a pu s'étendre à l'échelle de la planète pour préparer la venue de d'autres personnages qui auraient un contact primaire avec l'esprit ou l'intelligence supramentale d'une autre religion ou d'un autre attrait égrégorien que l'attrait juif. À l'instant où l'égrégore juif a été suffisamment altéré, nécessairement, la guerre devait cesser. J'ai déjà expliqué comment l'intelligence en était occupée. Il y avait les divisions blindées allemandes qui étaient proches de la Normandie. Il y a les Panzers. Le débarquement a été moppé, c'est absolument effarant. On a parachuté un tiers des hommes des mauvaises places. Il y a des bateaux qui ont débarqué leurs troupes ces mauvaises côtes. Il a fallu qu'ils marchent jusqu'à une journée et demie pour venir où c'était le combat. Malgré cela, les Alliés ont gagné parce que les Panzers n'ont pas pu être mobilisés, parce que ce soir-là et seulement ce soir-là, le Führer avait pris un cachet pour dormir et les Panzers ne pouvaient être déplacés que sous l'ordre extrême du Führer. Alors, on a appelé le Führer et ça n'a rien donné. Le Führer dormait, les panzers n'ont pas bougé, la guerre a été perdue. Il y a énormément de choses qui paraissent injustes et stupides parce que l'homme ne comprend pas l'intelligence des forces évolutionnaires sur la planète. Je suis tout à fait contre les holocaustes. D'ailleurs, il n'y en aura plus permis par un peuple. S'il y a des prochains holocaustes, ils se feront entre ces peuples-là même. Et ça ne se passera plus comme ça s'est passé. Mais d'où est, où est l'intelligence? Ben là, l'intelligence. Il fallait absolument que l'énergie supplémentaire puisse être libérée de l'abnaction de l'égrégore juif. Et la seule façon de le faire était d'empêcher l'alimentation de l'égrégore. Depuis ce temps, le peuple est plus perdu que jamais, même s'il donne tendance à vouloir se recréer, se restaurer. La meilleure façon de vivre heureux, c'est toujours l'assimilation. Et si on a raison de résister, on n'aura jamais de problème à résister. Si on a de la difficulté à résister, on devrait sans doute se faire assimiler. L'assimilation, je vais donner un autre exemple, juste pour faire comprendre ceci. Comment empêcher une troisième guerre mondiale? Si tous les peuples sont d'accord qu'on doit être communiste et inviter les Russes à venir nous coloniser, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Et dans 10 ans d'ici, les Russes n'étant pas suffisamment nombreux sur la planète, c'est eux qui vont être assimilés. Oh, peut-être faire passer 10 ans communistes. Ça ne sera pas long que ce qui habite l'humain qui n'est pas communiste va assimiler les autres, puis ça va être réglé. Mais l'humain a trop peur de manquer son coup, puis il va préférer sans doute prendre des armes. Les choses seront ce qu'elles sont et ce qu'elles seront. Vous avez parlé d'esprit et de supramental, de 3 niveaux. Ces niveaux sont sans doute au-dessus du divin et de l'astral. Pouvez-vous préciser? Oui. Imaginons, comme dirait Albert Einstein, lorsqu'il parle de choses que peu de gens peuvent trouver. Imaginons une sphère qui s'appelle la création. Cette sphère, elle est finie, mais elle n'a pas de limite. Elle tient dans rien parce que le rien n'existe pas. Et dans cette sphère, il y a un point source central qui n'a pas de coordonnées spatio-temporelles. Donc, il est nulle part et partout. De ce point provient une énergie. Dans cette sphère, création, il y a des petites sphères. L'une de ces sphères, appelons-la super-univers. Dans ce super-univers, il y a d'autres sphères. Prenons-en une, appelons-la univers. Dans cet univers, il y a d'autres sphères. Prenons-en une, appelons-la galaxie. Dans cette galaxie, il y a d'autres univers. Prenons-en un, appelons-la système solaire. Dans le système solaire, on prend encore, on appelle cela système planétaire. Dans cette sphère majeure, ce qui relie, ce qu'on peut rappeler l'amour, mais ce qui relie, ce qui coordonne la relation entre les super-univers, porte le nom ésotérique d'énergie divine. Ça n'a rien à voir avec le Dieu que souvent l'humain prie, mais c'est une force réactionnelle intentionnelle. À l'intérieur du super-univers, un deuxième palier. Nous pouvons retrouver des particularités de cette force divine. Dans le super-univers, il y a une énergie qui va porter le nom de Bouddhique. Ça n'a rien à voir avec Bouddha. Les Bouddhas vivaient quelque chose du genre. C'est pourquoi cette énergie porte ce nom pour l'instant. Dans le super-univers, il y a les univers. Dans l'univers, il y a une coloration de la première énergie. Elle portera le nom de supramental dans l'univers. Cette énergie supramentale sera donc l'énergie de l'esprit. L'esprit saint, l'esprit pur, c'est-à-dire non coloré par la mémoire d'une planète. Cet esprit, donc, ce supramental dans l'univers, se divise lorsqu'il pénètre les galaxies et il va devenir une force mentale. Cette force mentale, lorsqu'elle touche un contexte du système solaire, un contexte presque un contexte planétaire, devient une force astrale. Lorsque cela pénètre complètement le contexte planétaire, cela engendre la matière qui révèle, disons l'énergie qui révèle la matière, l'énergie vitale, la vie. Et il y a ensuite la matière. Donc, vous avez parlé d'esprit et de supramental. Nous parlons donc d'énergie universelle, qui pour l'instant, contentons-nous de l'appeler énergie galactique, c'est suffisamment proche de nous. Ces niveaux sont sans doute au-dessus du divin ou de l'astral. S'entendre encore une fois, lorsque l'être humain conceptualise un dieu, c'est un dieu placé dans l'astral par l'homme, à l'image et à la ressemblance de l'homme. Je répète qu'à l'époque des Romains, on avait des dieux de colère et de vengeance. Même Jacob, même Isaac avait un dieu de colère et de vengeance. Et ces dieux-là sont devenus des dieux de paix, de pardon et d'amour au fur et à mesure où l'humain est devenu un être de paix, d'amour et de pardon. Les dieux de l'homme ont évolué au même rythme que l'homme. Mais ce ne sont pas ces dieux qui ont engendré l'homme, mais c'est ces divinités qui engendrent l'âme dans l'homme. Et c'est pourquoi cette divinité enseigne à l'homme que l'homme doit sauver son âme, même si l'archétype prétend qu'il y a le corps, en deuxième l'âme, et en troisième le plus important, l'esprit. Continuellement, les théologies parlent de l'âme. C'est normal, c'est ça qui les nourrit. L'homme ne doit pas sauver son âme. Il doit faire en sorte que l'esprit prenne la place de l'âme. Et ça se fait comment? Ça se fait tout seul. L'esprit s'en occupe. Est-ce que la troisième dimension... On ne sait jamais. Est-ce que la troisième dimension, exemple, hologramme, est un moyen que le monde de la mort utilise pour se rapprocher de nous ou entrer en contact direct avec nous? Et quelle est la fonction ésotérique des hologrammes? Une autre question. Bon, c'est extrêmement bien. C'est même absolument génial comme question. La personne qui la pose doit sans doute connaître la réponse. La réponse, c'est oui. Nos hologrammes ne sont pas suffisamment énergétiques encore pour remplacer l'ectoplasme nécessaire à la présence d'un phénomène fantomatique, d'un phénomène qui proviendrait du monde de la mort. Lorsqu'on arrivera à mettre à créer un hologramme suffisamment puissant pour qu'il donne de l'illusion, effectivement, certains artistes créeront des hologrammes plutôt sataniques, un peu comme certaines musiques que nous connaissons aujourd'hui qui sont le reflet pathétique, que de le dire, d'une force astrale en train de mourir, des forces démoniaques et diaboliques, parce que ces forces sont de plus en plus en train de s'en aller. C'est sûr qu'il y a un regain d'énergie de religion du diable aux États-Unis et sur certaines autres, dans d'autres régions. C'est normal si des égrégores en train de mourir et se fendent de derrière pour ramasser de la nourriture. Mais c'est en train enfin de s'en aller. L'hologramme va aussi servir un peu à complémentariser. Par contre, l'intelligence supramentale pourra aussi se servir de l'hologramme pour animer des choses. Mais effectivement, certains hologrammes, lorsqu'ils seront suffisamment énergétiquement exprimés, pourront remplacer certaines formes ectoplasmiques. Est-ce que le monde de la mort devient de plus en plus dense, réel, et seul l'homme nouveau pourra y survivre? Oui, seul l'homme nouveau pourra y survivre. Faites-vous en pas, la majorité d'entre vous, vous allez être devenus des personnes nouvelles avant d'être écrasés. Le monde de la mort, il est extrêmement grand. Plus l'être humain arrive à mentaliser, à moins nourrir, à moins émotiviser son raisonnement, moins il nourrit le monde de la mort. L'intelligence s'organise, on l'a déjà vu, lorsque j'expliquais le processus de réincarnation pluralitaire, pour faire en sorte que certaines nations vivent des conditions planétaires similaires, soit des épidémies pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, soit des guerres à long terme, de façon à ce que les âmes vivent le même genre d'expérience pour pouvoir se fusionner plus facilement dans la partie purgatorielle du monde de la mort, pour que lorsqu'ils vont se réincarner, 300-400 individus puissent finalement se retrouver dans un individu. Ce qui va faire en sorte qu'un jour, il y aura approximativement 144 853 personnages sur la planète Terre, ce que la théologie appelle des élus, qui contiendra dans leur corps, dans leur conscience, l'humanité du passé, celle d'aujourd'hui, et laquelle qui va suivre. Lorsque nous parlons du monde de la mort qui se densifie, moins l'être humain tend à être émotif, et de moins en moins l'être humain tend à l'être, de plus en plus tend à l'être moins, parce qu'il veut légiférer sur sa vie, le monde de la mort perd en densité, il s'oublie. S'oubliant, c'est évident qu'un jour, les parties hautement spirituelles voudront se battre contre l'homme, parce que perdant en vibration, elles vont devenir lentement de Yahvé, qu'elles vont passer à l'état de satanique. Ce qui est à peu près normal dans toute forme de théologie. On connaît des individus qui, un jour, sont reliés à un dieu génial qui les aidait, et finalement, ils massacrent leurs femmes et leurs enfants au nom de leur dieu, parce que c'est ce qui arrive quand le dieu perd en vibration. À un moment donné, le ciel va être tellement, tellement bas que l'homme nouveau, les personnes qui vont rester là, devront s'arranger pour le démolir. Donc, il va y avoir une guerre massive entre l'homme et les forces du ciel. L'homme sera aidé par les cieux, c'est-à-dire que l'homme sera relié à son esprit. Et ce monde de la mort sera tellement magané, il y a un jour à venir où certains individus voudront se suicider, pas les hommes nouveaux, les autres, et ils ne pourront pas mourir. C'est ce que Jean de Patmos dit dans l'Apocalypse quand il dit qu'un jour l'homme voudra mourir et il ne trouvera pas la mort. et ne trouvera pas le monde des morts. Alors, son corps physique sera altéré, sera inutilisable. L'homme vivra dans le plan moron ciel. On en a déjà parlé et on va revenir dessus sur ce phénomène. Mais il ne pourra pas être digéré par ce que j'appelle la deuxième mort. Il ne pourra pas pénétrer le monde de la mort. Donc, il devra se réincarner du vivant dans quelqu'un de déjà solide, pouvant le recevoir. Ce sont des choses qu'on parle énormément au niveau du séminaire. C'est peut-être un petit peu trop loin, là. Il y a des questions quand même. Est-ce que le monde de la mort devient de plus en plus dense? Oui. Réel? Oui. Et seul l'homme nouveau pourrait survivre? Oui. Mais il va récupérer ceux qui n'auront pas la constitution amique et physique pour pouvoir le supporter. De plus en plus, ça devient dense. C'est ce qui fait que la race aryenne parle du Kali Yuga, donc de l'âge de fer, là où le mal, Kali, le mal, l'âge du mal, et présentement, on est dans l'âge de fer de l'âge de fer, c'est-à-dire dans l'âge du mal de l'âge du mal. Donc, il risque fortement d'y avoir des densifications dangereuses que Jean de Patmos appelle Apocalypse et que Nostradamus appelle, vous verrez bien. Trois questions. Pourquoi Jean et Marc, deux apôtres, ne s'aimaient-ils pas? Oh, ils s'aimaient! Est-ce qu'il y avait de la rivalité entre les apôtres du Christ et pourquoi? Ah, il y en avait, oui. Est-ce que Jean-Baptiste était un apôtre du Christ? Quand le Nazaréen est descendu dans l'eau, Jean-Baptiste l'a vu. La chicane a poigné. Et quand ça a été fini, Jean-Baptiste, Lars, Tanné, a dit à deux de ses disciples, « Suivez-le, c'est lui. » Parce que le Baptiste aurait et a tout fait pour être celui qui recevrait l'énergie christique, alors que son rôle était surtout de le préparer. Lorsque Jean-Baptiste, son gros problème, c'était l'ego. Il avait une grande gueule. Et lorsque son travail était fini, il n'a pas pu s'empêcher de continuer. Alors, le Nazaréen, l'intelligent, a dû éliminer le Baptiste. Lorsqu'à un moment donné, le Nazaréen demande à ces deux apôtres-là, et le Baptiste avait des nouvelles, on lui répond « Oui, il est mort ». Et le Nazaréen enchaîne sur une autre conversation. C'est ce qu'il voulait savoir. Est-ce qu'il y avait des problèmes, des flamèches? Il disait pas ça à l'époque, évidemment. Il parlait plutôt de plumes. Entre les apôtres, bien oui. Pourquoi? Certains étaient pêcheurs, certains étaient grecs, certains étaient de d'autres nationalités. Nécessairement, c'est intelligent de les réunir. Ça permettait de créer des évangiles qui comptent certaines choses s'adressant à différents peuples. Mais les apôtres étaient extrêmement orgueilleux, égoïsés. Le moins égoïsé du lot, Pierre, a réussi quand même à renier le Nazaréen trois fois. Avant le chant du coq. Et comme je dis souvent, c'est parce qu'on avait empêché le coq de chanter pour que les paroles s'accomplissent. Alors, effectivement, c'était des êtres humains tout à fait conventionnels, sauf que chacun d'eux était privilégié, c'est-à-dire que chacun d'eux recevait une partie d'une coloration de l'énergie supramentale dans le plan planétaire. Ésotériquement, on parle de différents faisceaux d'énergie. Alors, effectivement, chaque apôtre était relié à un faisceau particulier. Il y avait 14 faisceaux à l'époque, le Nazaréen, Lazare, les 12 apôtres. Mais ce n'était pas... Certains marchaient en groupe de 2 ou de 3, mais ils ne pouvaient pas tous se tenir ensemble. Juste Judas, d'ailleurs. Il n'y a personne qui s'est plaint ben quand il est parti. C'était pas le plus aimé. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur disciple du Nazaréen et c'était le plus grand chum du Nazaréen. Malgré cela, il n'a pu s'empêcher de livrer le Nazaréen. Il a livré Melchizedek à la place et il a trahi le Nazaréen. Il a fallu que le Nazaréen répare la gare et aille dire aux Romains que le Nazaréen, c'était lui. Et là, c'est là que je jetais l'espoir. Alors, ça ne s'aimait pas comme... On voit des dessins des fois, là, sont tous là. C'était juste pour la peau. La semaine prochaine, on va parler justement de cette énergie supramentale qui peut permettre à l'homme de contrôler une force qui va être beaucoup plus puissante que ce qu'on a appelé, connu sous le nom de la pensée positive. La pensée positive, ça marche, mais pas souvent. Il y a quelque chose d'autre qui marche, mais tout le temps. Par contre, ça demande des hommes et des femmes debout. Alors, on va se revoir la semaine prochaine, ceux qui s'intéressent. En attendant, respirez par le nez. Merci beaucoup, Daniel.